Chapitre 22. La suspicion. Je n'ai rien à te dire. C'était notre camarade, j'ai le droit de savoir. Tu me déconcentres. Ophélie courait péniblement dans la poussière du stadium. Il était 6 heures du matin, la période la moins chaude et la moins moite de la journée, mais ses poumons avaient déjà pris feu. C'était pour elle une piètre consolation de voir qu'Élisabeth, pourtant rodée autour de terrains quotidiens, éprouvait les pires difficultés à mettre un pied devant l'autre. L'aspirante portait sur la tête un invraisemblable chapeau radio qui crachouillait la rediffusion d'une émission scientifique. Il était censé l'aider à garder le rythme, mais son poids la ralentissait plus qu'autre chose. « Où est Médiana ?» insista Ophélie. « Où l'ont-ils emmenée ?»« C'est confidentiel. Je n'ai pas à divulguer cette information à une apprentie. » N'y tenant plus, Élisabeth s'arrêta au milieu de la piste. Elle s'était pliée en deux, haletante, une main empêchant son chapeau radio de tomber, l'autre comprimant un point de côté. Son teint, habituellement blafard, était devenu si écarlate qu'il se confondait avec ses taches de rousseur. À force de passer ses journées assises sur une chaise, le nez dans son code, elle avait développé la constitution physique d'une vieille dame. Ophélie l'avait traquée sur le stadium pour obtenir des réponses. Cela faisait 3 jours qu'elle se heurtait à un mur de silence au sein de son dortoir, 3 jours qu'on lui décochait des coups d'œil de loin, sans un mot d'explication. Elle commençait à atteindre les limites de sa patience et Élisabeth était la seule, de toute la compagnie des avant-coureurs, à ne pas être en mesure de la semer. « Pouvez-vous au moins me dire ce qui s'est passé ?» Élisabeth déplia son corps, comme s'il s'agissait d'une planche à repasser récalcitrante. La bouche béante, elle chercha son souffle la tête en haut, faute d'avoir réussi à le trouver la tête en bas. « Je te l'ai dit et je te le répète, l'apprenti Médiana nous a quittés pour des raisons de santé. »« Ça n'a pas de sens. Elle était la mieux portante de nous tous. »« Écoute, apprenti. » Ophélie était tout ouïe, mais elle dut attendre qu'Élisabeth fût en mesure de prendre la parole sans s'asphyxier. « C'est moi qui l'ai trouvée et je peux t'assurer qu'elle n'était pas bien portante du tout. » Je suis allée au mémorial par l'entrée de service, comme chaque dimanche. Des cartes catalographiques à améliorer. J'ai perforé toute la matinée. Quand je me suis rendue au lavabo, je l'ai trouvée étendue sur le carrelage. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était là, mais ce n'était pas beau à voir. » Élisabeth passa un coup de manche sous son menton qui ruisselait de sueur. « Muscles tétanisés, convulsions, yeux révulsés, » énuméra-t-elle. « J'ai averti la sécurité. Lady Septima t'a convoqué en urgence. » Tu connais la suite mieux que moi. » Ophélie contempla Élisabeth dans la pâleur du matin. Le portrait qu'elle venait de lui peindre ressemblait si peu à la superbe, à l'indomptable Médiana que son impassibilité lui paraissait déplacée. Elle maniait l'antenne de son chapeau pour atténuer le sifflement de l'émission radiophonique, comme si de rien n'était. « Comment faites-vous pour ne pas avoir peur ?»« Hein ?» « Pourquoi aurais-je peur? Les attaques cérébrales sont rares à notre âge. Statistiquement, il y a peu de chances pour que cela se reproduise avec moi ou avec toi. Tu le saurais si tu avais lu le journal officiel. Ce doit être pour nous, avant-coureurs, la seule source où puiser nos informations. » récita Élisabeth comme une leçon bien apprise. « Je n'y connais pas beaucoup en statistiques, » admit Ophélie. « Mais n'oubliez pas, Miss Silence. » Une attaque cardiaque et une attaque cérébrale au même endroit, à 50 jours d'intervalle, ça me paraît improbable. » Ce fut au tour d'Élisabeth de la considérer avec incompréhension depuis l'ombre de ses paupières mi-closes. « J'ignore d'où tu viens ni ce que tu as vécu, mais chez nous, à Babel, les maladies et les accidents sont les seules causes de mortalité. Si Lady Septima nous dit que c'est une coïncidence, alors c'est une coïncidence. » Ophélie fut tentée de lui rétorquer que cette femme qu'elle mettait sur un piédestal ne faisait pas grand cas des sans-pouvoirs comme elle, et qu'elle ne leur disait probablement pas l'entière vérité. Les lords de luxe avaient fait doubler les effectifs du service de sécurité au mémorial. Il n'était plus possible d'y entrer et d'en sortir sans se faire contrôler. Et puis, il y avait le professeur Wolfe, son mystérieux accident, ses recherches interrompues du jour au lendemain. Lui aussi était un régulier du mémorial, et lui aussi avait subi un puissant choc traumatique. Non, ce n'était définitivement pas une coïncidence, c'était un crime, 3 crimes. et que ce mot fût réprouvé par l'index n'y changeait rien. Cette hypothèse admise, Ophélie ne pouvait plus faire abstraction du message que le sans-peur destinait à Médiana. « Qui sème le vent récolte la tempête. » Était-ce lui qui avait attenté à sa vie, ainsi qu'à celle du professeur Wolfe et de Miss Silence? Si oui, avec quels moyens et surtout pourquoi? Qu'avaient en commun un spécialiste des guerres, un maître censeur et une apprentie avant-coureuse, hormis le fait qu'ils travaillaient tous les trois au mémorial? « Aspirante Elisabeth, apprentie Eulalie, veuillez terminer vos tours de piste réglementaires. » Ophélie tourna ses lunettes vers le mirador du stadium, d'où s'était échappé le commandement, puis elle les ramena sur Elisabeth qui n'avait toujours pas retrouvé son souffle. « Le meilleur des mondes possible, n'est-ce pas ?» Elles reprirent leur course à pied, côte à côte. Leur corps offrait une parfaite dissymétrie, celui d'Elisabeth étant aussi long et plat que celui d'Ophélie était petit et charnu. « Tu sais, je ne t'aimais pas à notre première rencontre. » Elisabeth avait expiré négligemment cette remarque entre deux foulées, sa longue natte fauve lui battant le dos. Ophélie acquiesça. « Je ne crois pas vous avoir beaucoup apprécié non plus. » « Et maintenant ?» Elles s'interrogèrent du regard, puis Ophélie finit par distancer Elisabeth sur la piste du stadium. La vérité était qu'elles auraient pu devenir amies dans le cas où Eulalie aurait réellement existé. Ophélie ne se faisait toutefois aucune illusion. Si l'aspirante découvrait qu'elle mentait sur son identité, elle la dénoncerait à Hélène et à Lady Septima sans la moindre hésitation. Quand elle eut fini ses tours réglementaires, Ophélie se rendit au vestiaire. Elle se heurta à Zen, qui en sortait au même moment, embaumant l'huile de camélia. Elles balbutièrent des excuses. Elles avaient beau partager le même dortoir et suivre les mêmes cours, elles n'avaient jamais échangé deux phrases d'affilée. Zen était la plus âgée de toute la compagnie, mais elle tenait davantage de la poupée que de la femme, toujours prête à cacher ses yeux en amande derrière son épaisse frange noire. Il semblait toutefois à Ophélie que cette habitude que Zen avait de l'éviter relevait d'autre chose que de la timidité. De la crainte? Une fois seule, Ophélie récupéra l'uniforme et les bottes qu'elle avait déposées la veille à la buanderie. Elle se rendit ensuite aux douches collectives et là, après avoir posé ses habits, ses gants et ses lunettes sur une chaise, elle demeura immobile un long moment. Elle attendit que son cœur, éprouvé par la course, eût retrouvé un rythme normal. Mais cela n'arriva pas. Sa chair entière semblait n'émettre qu'une seule et même pulsation chaotique. Ce soir, elle reverrait Thorne. Elle avait passé ses derniers temps à s'interdire d'y penser, à rester concentrée sur tout ce qui n'était pas lui. Elle n'avait pratiquement ni dormi ni mangé. Ses émotions formaient un tel sac de nœuds qu'il lui était impossible de les démêler. Elle voulait être auprès de Thorne, là, maintenant. Elle l'avait voulu chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure depuis presque 3 ans. Et lui, il n'avait rien inventé de mieux que de lui imposer 3 jours supplémentaires. Apprendre par cœur la traduction de Médiana, ce n'était rien qu'un texte décousu, incomplet et abstru qui ne lui avait apporté aucun éclairage sur les arrière-pensées de Thorne. Comment était-il devenu Sir Henry? Pourquoi avait-il rejoint Lux? Que cherchait-il au travers des groupes de lecture? Qu'est-ce qui, tout ce temps, l'avait empêché de donner signe de vie? Ophélie avait cédé à la tentation de lire les notes autrement qu'avec ses yeux. Après tout, elle en était devenue la propriétaire officielle. Mais ces gantelets métalliques que Thorne portait au moment de les manipuler l'avaient empêché de déteindre sur le papier. La lecture des notes ne lui avait rien appris sur Médiana non plus, certainement aussi à cause de l'usage de gants de travail. La devineresse s'était bien jouée d'elle. Tout ce temps, elle avait su que Sir Henry était l'homme que cherchait Ophélie. Aurait-elle fini par le lui révéler? Ophélie déplia le paravent d'une douche, y jeta sa tenue de stadium et tira sur le cordon du jet. Elle garda ses yeux ouverts en grand malgré le jaillissement de l'eau brûlante. Dès qu'elle fermait les paupières, même un court instant, elle revoyait l'expression de Thorne en surimpression sur ses prunelles, son absence d'expression en fait. Comme si, vraiment, indépendamment de toute comédie, Ophélie n'était rien pour lui. Tandis qu'elle se lavait les cheveux, elle tira sur ses boucles. Elle les raccourcissait elle-même à coups de ciseaux hésitants, sans jamais pouvoir céder d'un miroir. Elle n'avait quand même pas changé à ce point-là, non? Elle loucha sur sa peau brunie par le soleil. Tout à coup, elle se sentit nue comme jamais de toute sa vie elle ne s'était sentie nue. Cette brutale prise de conscience, si ridicule fut-elle, lui inspira une appréhension dont elle ne comprenait pas bien la nature. « Tu détestes être infantilisée », persifla la voix de Mediana dans sa mémoire. « Mais face à un homme, tu restes une bambina, sans expérience. » Des cliquetis familiers retentirent à travers le bruit de la douche. Ophélie relâcha le cordon du jet et essuya l'eau qui lui embrouillait les cils. Toute myope qu'elle était, elle distingua sous le paravent des ombres où étincelaient des éclats d'argent. Les bottes ailées des avant-coureurs. « Tu nous écouteras. Tu ne crieras pas. Tu ne diras rien. » Lorsque les devins s'exprimaient au futur, la suite des événements leur donnait généralement raison. Ophélie se tint donc silencieuse et attendit d'entendre ce qu'ils avaient à lui annoncer. La réponse arriva sous forme d'un seau qui déversa un déluge cristallin par-dessus le paravent. Ophélie eut à peine le temps de se protéger le visage de ses bras. Des centaines de griffures lui égratignèrent tout le corps en un instant. Une fois la stupeur passée, elle contempla les débris de verre parsemés sur sa peau humide et, quelques secondes plus tard, le sang qui y dessina un vaste entrelac d'affluents. « Ça, signorina, c'est pour notre cousine !» Cette phrase, plus encore que la douleur, fit un choc à Ophélie. L'attitude craintive de Zen et les sous-entendus d'Octavio lui apparurent soudain sous un éclairage accablant. Ses camarades n'adhéraient pas non plus à la théorie de la coïncidence. Ils pensaient que c'était elle la coupable. Ophélie ouvrit la bouche, mais les voix sifflantes des devins ne lui laissèrent pas le temps de se justifier. « D'abord la signora Silence, et maintenant Mediana. C'est qu'elle brûle presto les étapes, la nouvelle. Tu n'es plus la benvenuta à la bonne famille. » Il y eut un silence durant lequel Ophélie n'entendit rien d'autre que le goutte-à-goutte du pommeau de la douche et le crissement du verre contre ses pieds ensanglantés. Elle tremblait. Les bottes ailées étaient toujours là sous le panneau du paravent. « Ce soir, signorina, tu iras au secrétarium. Ce soir, signorina, tu retrouveras l'automate. Ce soir, signorina, tu lui rendras tes ailes. » Ce n'était pas une prophétie. Le pouvoir des devins ne leur permettait pas de voir l'avenir au-delà de 3 heures. Ophélie prit toutefois l'avertissement très au sérieux. Lorsque les bottes furent reparties dans un tintement d'argent, elle resta debout au milieu du verre, son sang mêlé à l'eau de la douche.